Chapitre 13. Les menaces de Nicétas avaient ému le notaire. Assurément, cette attitude hautaine et provocante n'était pas du tout celle d'un résigné. Il n'avait rien à perdre à intenter un procès, cet aventurier, et il pouvait espérer qu'il y gagnerait quelque chose. Il fallait l'en empêcher, et puisque le langage de la sage raison avait échoué, recourir à des moyens plus énergiques et par cela peut-être plus efficaces. Un quart d'heure après, il montait les 3 étages de la grande caserne de la cité et demandait à l'huissier de service d'être admis auprès du préfet de police pour affaires urgentes. Comme à la préfecture, toutes les affaires sont urgentes, l'huissier se montra résistant. C'était l'heure du rapport, monsieur le préfet était occupé. Cependant, sur le vu de la carte du notaire, il voulut bien s'adoucir et porter cette carte au préfet. C'est un personnage qu'un notaire de Paris, qu'on ne traite pas comme le premier venu. Après une grande demi-heure d'attente devant une immense glace, le notaire fut enfin reçu et il put exposer sa demande. Il avait pour cliente une jeune fille de 11 ans, enfant naturelle, née de père et de mère inconnus, à laquelle on avait légué une belle fortune. Cette fortune tentait un aventurier qui voulait la reconnaître. Ceci interrompit le préfet et du ressort de la justice. Mais derrière la reconnaissance, il y a un chantage. Un chantage contre un enfant qui n'a ni père ni mère n'est pas bien dangereux. Mon aventurier ne réclame pas seulement la paternité de cette petite, il prétend aussi lui imposer une mère, c'est-à-dire qu'il menace une honnête femme de la compromettre dans un procès en recherche de maternité. Mais la recherche de la maternité est admise par la loi. C'est affaire au tribunal d'apprécier si cette femme est ou n'est pas la mère de cet enfant. Elle ne l'est pas. Je vous crois, puisque vous me le dites, mais le rôle de la police n'est pas de prévenir les procès et de se substituer à la justice. N'est-il pas de prévenir les scandales et d'être une sorte de providence pour les familles? La providence est toute puissante, elle n'a rien ni personne au-dessus d'elle. La police a les mains liées par la légalité, et quelquefois aussi, nous pouvons le dire entre nous, par les journaux. Il est évident que le préfet rechignait à s'occuper de cette affaire et ne cherchait qu'à décourager le notaire. J'aurais voulu ne pas prononcer le nom des personnes menacées par ce chantage. Je ne vous le demande pas et je respecte vos scrupules professionnels. Si le préfet ne demandait pas ce nom, il était certain cependant qu'il l'attendait et qu'on n'obtiendrait rien de lui tant qu'on ne l'aurait pas livré. Il fallait que de tout son poids il pesât dans la balance. « Je vous ai dit, continua le notaire, que cette petite fille avait été instituée légataire universelle d'une belle fortune. La personne qui a fait cela est le comte de Chambray. Et le comte de Chambray avait pour nièce madame la comtesse d'Unières, la femme du député, qui s'est trouvée déshéritée. Précisément, monsieur de Chambray était-il ou n'était-il pas le père de cet enfant qu'on veut reconnaître aujourd'hui? C'est un secret qu'il a emporté dans la tombe. Et si les probabilités sont pour l'affirmative, je reconnais que nous n'avons que des probabilités. Cependant, elles reposent sur un fait, à mon sens, considérable. Madame d'Unières, seule héritière légitime de son oncle, se trouvant exhérédée par le testament dont j'ai parlé, s'est chargée de la surveillance et de l'éducation de l'enfant, ayant pour elle des soins et une tendresse vraiment maternelle. Il y aurait là un esprit d'abnégation si extraordinaire qu'il est plus logique d'admettre que si elle a en quelque sorte adopté cet enfant, c'est qu'elle connaissait les liens qui l'attachaient à M. de Chambray. Eh bien, c'est Mme d'Unières, c'est M. d'Unières que le chantage menace. S'appuyant sur ses soins mais sans rien produire en plus, ni acte de naissance, ni commencement de preuve par écrit, cet aventurier prétend que Mme d'Unières serait la mère de cet enfant qu'elle aurait eu avant son mariage. Et cette prétention, il ne veut pas, vous pensez bien, la faire consacrer par un tribunal. Mais il compte s'en servir pour extorquer le plus qu'il pourra au comte et à la comtesse par la menace d'un procès scandaleux. Le notaire fit une pause, et la physionomie du préfet lui dit que les dispositions auxquelles il s'était tout d'abord heurté se modifiaient. « C'est pour un adversaire politique que je réclame votre protection, monsieur le préfet, et c'est un titre qui, me semble-t-il, doit vous toucher. » Le préfet eut un sourire, disant clairement que les titres de ce genre n'avaient jamais été en faveur dans la maison. Et je dois ajouter, continua le notaire, que s'il ne vient pas lui-même la réclamer, c'est qu'il ignore encore le danger dont son honneur est menacé. J'en ai été le premier informé par une démarche de notre personnage qui va, à elle seule, vous le faire connaître. Sachant que j'étais le notaire de l'enfant, ainsi que de monsieur et madame Dunière, il est venu me demander de dresser l'acte de reconnaissance, non pour que je le dresse réellement, mais pour que je prépare mes clients effrayés à un arrangement. Au lieu d'aller à eux, je viens à vous. L'affaire est délicate. Ce qui peut faciliter votre intervention, c'est que notre aventurier, dans l'espoir d'inspirer confiance, s'est paré d'un nom et d'un titre des plus honorables, celui de prince Amourov, se prétendant le fils du lieutenant-général, aide-de-camp général prince Amourov, qui a occupé une grande situation à la cour de Russie. Et selon vous, il n'aurait pas droit ni à ce nom ni à ce titre ? Aucun droit. Avez-vous une preuve qu'il ait fait usage de ce nom et de ce titre ? J'ai cette lettre signée par lui. Et le notaire mit sous les yeux du préfet la lettre qu'il avait eue la précaution de se faire écrire par Nicétas. S'il n'est pas celui qu'il dit, il nous donne prise sur lui par cette usurpation de nom et de titre. Il ne l'est pas. Une enquête doit être faite, accordez-moi un certain temps. Il y a urgence. Je ne perdrai pas de temps, je vous préviendrai. Le notaire allait partir, le préfet le retint. « Pouvez-vous me donner le signalement de ce prétendu prince ? 35 ans, taille élevée, cheveux noirs, pas de barbe, gras, bouffi, l'air d'un schnappant bien élevé, il demeure au numéro 44 des Champs-Élysées. Je vous promets de faire diligence. Si, comme je n'en doute pas, mes renseignements sont conformes aux vôtres, on le conduira à la frontière. Mais c'est tout ce que je peux, car nous n'avons plus la Bastille, Dieu merci. Cela nous débarrassera-t-il de lui ? J'en doute. » La mort seule interrompt un bon chanteur dans son métier, et encore il laisse bien souvent des héritiers. Le notaire s'étant retiré, le préfet fit appeler un de ses secrétaires, car cette omission n'était pas de celle qui se donne au premier venu, et le chargea d'aller tout de suite à l'ambassade de Russie. Il s'agissait de savoir si le prince Amourov, lieutenant général et aide de camp général, avait eu un ou plusieurs fils, si un de ses fils se trouvait aujourd'hui à Paris et s'il répondait au signalement d'un homme de 35 ans, de grande taille aux cheveux noirs. Le secrétaire revint au bout d'une demi-heure. Le lieutenant général Amourov était mort. Il n'avait laissé qu'un fils, mort lui-même depuis 3 ans, et 4 filles. Son nom et son titre étaient éteints. Celui qui les portait n'y avait aucun droit. C'était un aventurier et probablement un escroc. Immédiatement, le préfet envoya au numéro 44 des Champs-Élysées un inspecteur chargé de dire au prince Amourov, parlant à sa personne, que le préfet de police le priait de passer à son cabinet le lendemain matin à 10 heures. En même temps, il fit prévenir maître le jeuneste de la Crochardière d'assister à cette entrevue. Ce fut le notaire qui arriva le premier. À 10h05, il était introduit auprès du préfet, qui lui communiqua les renseignements transmis par l'ambassade. « Vous voyez, monsieur le préfet, » dit le notaire, « ce que vous me disiez était vrai. J'en avais la certitude, mais il fallait une preuve qui ferma la bouche à votre coquin, et l'ambassade nous la donne. Viendra-t-il ? Je le crois. Ce que vous m'avez dit me donne à penser qu'il voudra payer d'audace. D'ailleurs, il a intérêt à apprendre ce que nous savons, ce que nous lui reprochons et ce que nous pouvons. » L'huissier entra, portant une carte. « Le voici. Faites entrer. » Comme le préfet l'avait prévu, Nicétas se présenta la tête haute, froid et calme, au moins en apparence. Il salua le préfet poliment, le notaire avec dédain. « La présence de maître le jeuneste de la Crochardière doit vous apprendre de quoi il s'agit, » dit le préfet. « Maître le jeuneste prétend que vous n'avez aucun droit à vous dire le père d'une enfant que vous voulez reconnaître. » Maître le jeuneste me paraît bien audacieux dans ses affirmations. Serait-il décent de lui demander sur quoi il les appuie ? Et vous, monsieur ? Demanda le préfet qui avait souri au mot décent. Sur quoi appuyez-vous les vôtres ? Sur des pièces qui seront soumises au tribunal. Verriez-vous un inconvénient à les produire ici ? Je ne crois pas que ce soit le lieu, répondit-il insolemment. Au moins est-ce celui de produire d'autres pièces que j'ai le droit de vous demander. Ce sont celles sur lesquelles vous vous appuyez pour prendre le nom d'Amourov et le titre de prince. Nicétas ne se troubla point. Ce serait avec plaisir, mais en quittant la Russie, je ne me suis pas chargé de ma généalogie qui constitue un ballot un peu lourd. C'est fâcheux, car vous pourriez prouver à votre ambassade qu'elle se trompe en disant que le prince Amourov n'a laissé qu'un fils mort depuis 3 ans, et à moi que ce n'est pas en vue d'un chantage que vous avez pris ce nom et ce titre, ce qui vous épargnerait le désagrément d'être reconduite à la frontière par mes soins. Ce serait une illégalité. Le préfet haussa les épaules, car s'il parlait volontiers d'illégalité quand il ne voulait pas faire quelque chose, il ne souffrait pas qu'on lui en parlât. « Réclamez-vous de votre ambassadeur, dit-il. S'il vous prend sous sa protection, je m'incline. » Nicétas ne répondit pas. « Aimez-vous mieux déclarer que vous n'êtes pas russe? Alors je vous ferai remarquer que vous n'auriez pas dû signer cette lettre. » Il montra la lettre écrite au notaire. « Prince Amourov, ce qui constitue un faux. » « Oh, un faux !» Au lieu de répondre, le préfet sonna. « Prévenez l'un des messieurs les commissaires aux délégations, dit-il à l'huissier, que je le prie de se rendre ici. » En attendant le commissaire, et sans s'occuper du notaire et de Nicétas, il annota quelques pièces à grands coups de crayon rouge. Quand le commissaire entra, le préfet lui dit quelques mots, et celui-ci, s'asseyant à un bureau, se mit à écrire. « C'est un procès-verbal, dit le préfet en s'adressant à Nicétas, visant votre lettre à maître le jeuneste. » Il fut vite rédigé. Le commissaire le lut, étendant une plume à Nicétas. « Voulez-vous le signer ? » dit-il. « Vous aurez aussi à signer, ne variatur, la lettre annexée. » Nicétas hésita un moment. « J'aime encore mieux la frontière. »« Avez-vous des préférences ? » demanda le préfet d'un air un peu goguenard. « La Belgique, l'Allemagne, la Suisse ?»« La Belgique, si vous le voulez bien. » »« Je vous ferai accompagner pour que vous ne cédiez pas à la tentation de descendre à Chantilly ou à Creil. » Si cela vous est utile, je peux vous offrir les frais de ce petit déplacement. Merci, c'est moi qui veux les offrir à votre agent. Je vous prie seulement de m'en donner un avec qui on puisse voyager en première classe sans se faire remarquer. Soyez tranquille, tenue de diplomate, un train part pour Bruxelles à 12h30. Parfait, j'aurai le temps de passer chez moi. Le préfet avait pressé le bouton d'une sonnerie et un agent était presque aussitôt entré. Si ce n'était pas tout à fait le diplomate annoncé, cependant c'était un compagnon de voyage suffisant. Comme Nicétas allait sortir, le préfet le retint d'un signe de main. « Si vous ne voulez pas passer votre temps sur la ligne du Nord, ne rentrez pas en France. » Quand la porte se fut refermée sur l'agent qui emboîtait le pas derrière Nicétas, le préfet se tourna vers le notaire. « C'est égal, j'aimerais mieux pour vous qu'il fût dedans plutôt que dehors. Heureusement c'est un violent. » Malgré son attitude dédaigneuse, et des violents, on peut espérer toutes les folies. Nous le repincerons.